fait me crier, pas fait me rêver, pas fait me crier. Non, non, non, non. Jodi à m'vle dire, ou c'est tout pour moi. Ou mettre qu'on est gué monde, qu'a dit ou moins pas bon. Moi déjà connais. Moi v'le faire pour vous, ça l'autre monde, pas j'en fais. C'est avec vous me senti moins bien. Moi quoi ou comme ça. Ou grand temps, changeant pile bagaille dans moi. À tout moment, on fait que me content. Comme, comme au bon vieux temps. Oh, jamais, pas qu'à arrêter sans vous. On fait pas tant de soleil couché pour nos péchoins. Sans ça, vous, on dit tant j'aime moins. Money world chaque jour. Money world chaque jour. Tout douvant jour. Pour nous tomber d'amour. Le matin, juste pour l'angélis s'en est. Regardez, qui j'en ouye, qui j'en ouye. Regardez, qui j'en ouye. Hey, yeah. L'aime pas ouais ou moins pas ton deal. Moi, c'est toi l'ou pas briller. Et moi ça fait moi au gâteau. Pour moi marronner encore. Qu'on y en a pire si ouais. Vini pis près. Moi qu'a vini pis près. Papa goulou les gens. Pour ça qu'a duré longtemps. Pour pas j'en fais mauvais sang. Pour nous être ensemble tout le temps.